On va parler de hockey avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Hey Danny, on entend derrière ta Ok, télé, hein? c'est beau. Ok, excuse-moi. Fait que je vais le baisser. Je pensais pas que ça. Ok, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va parler de hockey avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, d'abord, écoute, comment se trouve le logo des Sags? Moi, je le trouve beau, moi. Je suis pas un spécialiste des logos. Regarde, je commencerai pas. C'est moins pire que CF Montréal l'année passée, tu sais, qui avait changé le logo, il avait changé le nom, et ainsi de suite. Moi, je ne l'ai pas. Ben moi, je le trouve pas laid non plus. Je trouve qu'il va chercher un petit peu toutes les époques des sags, là, tu sais, dans le S au milieu. On dirait que ça me rappelle les premières années des Saguenayens. Moi, je le trouve correct. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis pas le... On n'est pas des spécialistes, là, quand même. Non, puis je suis pas le gars, je suis un gars assez conservateur, moi, de nature, là. Tu sais, je vois les équipes de la Ligue nationale là, qui essaient de mettre ça plus au goût du jour, là, mais je trouve qu'il y a des logos qu'il faut qu'ils restent qu'est-ce qu'ils sont. Tu sais, je vais vraiment le Canadien Ben commencer à mettre des choses après le CH, là. c'est un vintage canadien, ça fait partie des Original Six, là. Tu sais, c'est ça. On va parler de Patrick Roy, puis après ça on parlera des séries. Moi, Patrick, écoute, ce que j'ai entendu hier, ça sonne. Peut-être que c'est le temps pour lui de passer à autre chose, là. Ben, tu sais, dans le fond, déjà là, tous les années que Patrick a donné au monde du hockey junior, c'est un privilège qu'on a d'avoir un gars de cette qualité-là dans la Ligue junior majeure du Québec. Maintenant, moi je le côtoie, hein, j'ai le privilège de le côtoyer régulièrement. Puis même moi, ça fait longtemps que je disais à Pat, tabarouette, Pat, avec la carrière que tu as eue avec... On s'entend que Patrick, monétairement, il n'y a pas besoin, il en a pas besoin de plus qu'il en a là, il en a assez pour vivre. C'est un maniaque de golf, il adore la Floride. Je disais, tabarouette, Pat, t'es bon en maudit de rester ici parce qu'il dit, moi, être dans ta situation, ça ferait longtemps que mes hivers, ce serait en Floride que je les Ben ouais. passerais. Et puis, Lui, il disait toujours. il avait comme ambition, je pense, de retourner dans le sport, dans la Ligue nationale. Puis là, avec le Canadien, qui est comme. Je pense quelque part, ça va être difficile par la suite. Tu sais, je vois pas Patrick Roy à Columbus non plus, là. Tu sais, Ben moi, là, honnêtement, dans la conversation qu'on avait eue, là, lui, là, il aimait vraiment ça. Il aime vraiment les remparts. Il aime ouais. vraiment coacher parce que ça lui permet d'être à Québec. Il aime Québec. Il est bien entouré à Québec. C'est lui qui mène de A à Z, qui mène l'équipe. Alors, c'est une situation qu'il aimait beaucoup. Il parlait, moi, je sais qu'il parlait l'année prochaine, c'était dans ses plans. Il n'a pas pris sa décision encore, mais je peux te dire une chose, par exemple, Danny. Ça fait longtemps là, que je le connais, puis j'ai l'impression que la dernière défaite, là, Ouais. c'était qui a fait le plus mal dans sa carrière, autant de joueurs que de coach. Il a digéré très, très, très, très mal cette défaite-là. Et puis c'est là, je pense, qu'il se remet en question sur le fait de. Est-ce que j'ai le goût de continuer ou non? Mais tu sais, on va laisser retomber la poussière. Mais Parce que une les attentes décision ou étaient l'autre, je hautes peux avec pas les dire. remparts. Marc, tu fais partie de l'organisation, je pense qu'on se Oui. voyait vraiment à Coupe Memorial, Absolument. Absolument. hein? Puis on a fini premier. On se voyait vraiment. Tu sais, chapeau au Qatar de Shawinigan. Puis de notre côté, c'est vraiment, je pense, toute l'organisation, on est déçu un peu de la tournure des événements. Ouais, écoute, Tom Lapointe est arrivé avec quelque chose hier. D'abord, parce qu'on a entendu à travers les branches que Patrick aimerait ça les médias. Moi, j'ai rien contre Patrick Lalime, je le trouve très bon, très très bon, là. Mais il me semble qu'être à TVA Sport, Patrick Roy analyse au match du Canadien, ça serait tout un coup de marketing, TVA Hey, Sport. oublie ça, Danny. Ah Oublie ça, le gars, là, il va faire. Le gars, il est tanné de faire du hockey junior un peu parce que c'est trop prenant. Hey, tu fais des games de la Ligue nationale à la télévision, 80 quelques games par année, puis Non, pas 80 tu parles. matchs. TVA Sports, c'est quand même un samedi, tous les samedis, là. Non, moi, je pense qu'il va être plus un gars de style l'antichambre qui va venir OK. faire ses. ses apparitions une fois de temps en temps, mais ça me surprendrait que Patrick s'en aille faire de la radio régulièrement quand il va avoir le goût, justement. S'il arrête, c'est pour aller passer ses hivers en Floride. Parce que s'il donne le choix entre coacher les remparts ou aller faire des matchs à télé, bon, je pense qu'il va continuer à faire du hockey junior. Hein. Ok, c'est sûr que tu le connais très très bien, fait que t'es en mesure de savoir un peu plus sur ce qui s'en va. Es-tu déçu des Oilers d'Edmonton? Non, je suis déçu du résultat, mais je suis pas déçu. Moi, je pense qu'ils ont démontré qu'il y avait les leaders étaient capables d'emmener leur équipe à un autre niveau. Tu sais, on savait au début des séries, Danny, qu'il y avait un manque, là. Il y avait un manque flagrant dans les buts, puis il y avait un manque dans la défensive. Malgré tout ça, ils ont réussi là, à battre quand même Calgary, qui était très, très, très bien balancé. C'est une équipe qu'on voyait aller jusqu'en finale de conférence là, contre Colorado. Alors, moi, je trouve qu'ils ont fait un beau step de confiance pour le futur, mais il manque beaucoup tout. Tu peux pas gagner, Marc, avec Mike Smith dans les buts non plus, là. Ouais, moi, j'ai été surpris qu'à la date limite des échanges, on n'ait pas cherché un gardien d'impact. Moi, si j'avais un blâme à faire, c'est justement l'organisation, ou est-ce que si eux autres, dans leur évaluation, ils ont jugé qu'avec les deux gardiens qu'il y avait là, ils pouvaient s'en jusqu'au bout, c'est une très mauvaise évaluation. Tu vas me dire que des gardiens d'impact, des gardiens numéro un, il en pleut pas dans la ligue, mais d'un autre côté, ça a peut-être été qu'est-ce qui leur a coûté une participation à la finale Il à aurait la été fin. mieux, c'est sûr qu'il était blessé au moment où ce que la date limite des échanges est arrivée, mais Jake Allen aurait été mieux que Mike Smith. Ouais, mais tu sais, est-ce que c'est un numéro 1-1? Non. Moi, Smith, je le mets dans. Je le mets. Désolé, mais je le mets comme Jake Allen, là. T'sais, Jake Allen, je ne le vois pas un numéro 1 régulier, là. C'est un gars qui peut te dépanner dans des Brian situations. Hayward, genre. Ouais, Il y en a mais. qui comparent à Kalak, mais moi je pense que Kalak a des bien meilleurs chiffres, il a fait pas mal plus ses Ouais, preuves. je sais pas si Allen aurait fait mieux, honnêtement. Là. T'sais, tant qu'à ça, j'aurais pris une chance avec Price, là, mais t'sais, là, Price n'aurait pas été en Mais mesure de il y a le jouer. cap Là. salarial aussi, là. Ben ouais, t'as le cap, ça, c'est ça. Mais là, ça, c'est une autre affaire qu'ils vont devoir dealer avec parce que là, on sait que McDavid et Draisaitl, ils prennent une bonne partie de la masse salariale, c'est peut-être 33 %. Fait que là, ça commence à en rester moins, là. Oui, effectivement. Tampa Bay contre les Rangers, je pense que le Lightning, le train est en marche, Oui, mais là, OK, Danny, là, hein? c'est du momentum. C'est du momentum. Tu sais, j'écoutais Gérard Gallant qui disait, écoute, on est dans une très, très bonne situation. C'est un 2-3 pour on a l'avantage de la glace. Alors, il dit, moi, j'aime la situation dans laquelle nous sommes présentement. Oui, ça n'a pas été facile de gagner. On n'a pas réussi à gagner à Tampa Bay. Mais on est très confiant quand même. Puis c'est vrai, là, parce que les Rangers arrivent ce soir puis ils sortent en Lyon. Une coupe de buts chanceux, bang bang, admettons, comme au match numéro 1, puis il remporte le match. Ça met une moyenne pression sur Tampa Bay par la suite. Mais tu sais, le Lightning, c'est une équipe très résiliente et très difficile à battre. Alors, peut-être que l'expérience va jouer en leur faveur pour le reste de la série. Ok, je veux te parler de l'embauche de Marie-Philippe Poulin. Je vais être honnête avec toi, si c'est pas Marie-Philippe Poulin, puis si c'est pas une femme, est-ce qu'elle est là? Bonne question. Je Hey, tout le monde se penserais pas qu'elle réjouit, serait tout le là monde. présentement. Parce que là, Marie, là, elle veut encore être joueuse d'hockey. Elle n'est pas intéressée à être à temps plein avec le Canadien présentement parce que elle a une autre mission, la mission d'être joueuse et la mission de faire connaître un petit peu plus les ligues féminines et essayer d'avoir une structure là, pour permettre au hockey féminin de se développer un peu mieux. Mais tu sais, on est rendu là aujourd'hui dans le monde du hockey. Hein, on veut essayer là, d'introduire le plus possible des femmes, autant comme on l'a vu au baseball, au football, là, des agents de joueurs, Moi, femmes. des agents, j'ai pas de problème avec ça, mais t'sais, Écoute, le hockey féminin puis le hockey, c'est je dis pas c'est le même sport, c'est pas la même affaire aussi là, tu comprends? Non, c'est pas la même affaire, mais tu sais, d'un autre côté, une fille peut avoir de très bonnes qualités dans les habiletés d'un joueur de hockey. Alors, Faut que tu tu sais, l'enseignes Marie, aussi. quand même, c'est peut-être, on s'entend, c'est la meilleure joueuse au monde. C'est Ouais. probablement la femme la plus respectée dans le monde du hockey féminin. Juste l'attitude gagnante qu'elle a, tu sais, elle peut amener quelque chose de positif psychologiquement pour des joueurs de hockey en devenir, là, dans la Ligue américaine, dans la Ligue internationale, dans le hockey junior. Je pense que ça peut être une bonne ambassadrice de ce côté-là. OK, Marc, on s'en parle bientôt. Ça fait plaisir, Premier Danny. collaborateur, Marc.